Quatrième chapitre, la ruine du mont. Oh, que l'esprit s'éprend d'une secrète envie à l'aspect imprévu d'une ruine amie qui, tel qu'un géant domine le vallon, brave depuis 1000 ans le fougueux Aquilon. Et sous le lierre épais qui, grimpant la couronne, porte encore dans les airs sa hautaine couronne, erre au front crénelé d'où s'élançait jadis le baron querelleur craint de ses ennemis. La folle du logis, cette brillante fée, d'un coup de sa baguette évoque les vieux jours. Chaque pierre s'émeut sous la ronce étouffée des hôtes disparus, murmurent les amours. N'entends-je point la clameur des alarmes? C'est bien ici la salle d'armes, où des forts en faisceau appendaient les écus. Des festins, c'est ici la salle étincelante, où le héros bardé tient la coupe fumante, qui de main en main passe aux hôtes bienvenus. D'un côté, sous ses murs, la vie aventureuse des camps et des combats. De l'autre, l'existence est paisible et rêveuse, le lait du ménestrel, les fuseaux de Pallas. Ici le chant de guerre et le bruit des armures, le cri retentissant de la garde des nuits. Là, dans l'immense salle aux larges embrasures, aux gothiques lambris, triste, le front rêveur, la châtelaine assise tient en sa main l'écharpe à la valeur promise, où tournent d'un missel les vieux feuillets flétris. À son rêve d'amour tout entière livrée, à ses pieds gît encore la légende dorée qui fit couler ses pleurs. Qu'importe qu'elle soit de femmes entourées, seul l'écho du vallon a redit ses douleurs. Le temps fuit, l'aube naît, le corps bruyant résonne, le pont-levis s'est abaissé. Pour la seconde fois, le chant du départ sonne. En tête d'un parti, sous son drapeau croisé, le haut chef banneret, dont le regard rayonne, à ce dernier signal soudain s'est élancé. Adieu, beau chevalier, et la rose nouvelle au pied du palefroid vole de la tourelle. Adieu, beau chevalier, garde bien tes serments. Assis sous les palmiers de l'ardente Syrie, pense quelquefois à ta mie qui de l'absence à deux dévore les tourments. Et comme elle, on redit « Adieu, rêve magique, rêve de bonheur et d'amour. Adieu donc pour longtemps, belle ruine antique, d'un passé de grandeur solitaire séjour. Là, plus n'éclate ici la voix de l'allégresse, le cri du noir hibou remplace les accords du ménestrel joyeux, ami de la liesse, et le corbeau croasse où résonnaient les cors. Sous la tour où chantait la blonde jouvencelle, fredonne indolemment le rauque chevrier. Sur les murs où veillait l'active sentinelle, le pâtre souffreteux siffle une tourterelle. En place du galop de l'ardent destrier, j'entends dans le lointain la cloche du meunier. Adieu donc, vieux château, le fatal prosaïsme de tous côtés m'étreint. Adieu, foyer sacré, péris, mon vieux château, le cruel vandalisme sur tes masses déjà porte un pic acéré. Mais non, reste debout, moniteur intrépide, aux âges orgueilleux montre du temps rapide les ravages vainqueurs. Dis-leur que tout périt, plaisir, bonheur, couronne, ovation, serment, sceptre, blasons et trônes, sous l'aile des indestructeurs. Adieu, que le repos habite ton enceinte, vieux château, mes amours, s'il est vrai qu'à minuit solitaire étouffant sa douloureuse plainte, au lourd poids du tombeau l'ombre échappe sans bruit, que tes vastes salles s'emplissent des nobles hôtes d'autrefois. Que tes murailles retentissent du son des cors et des hautbois, au milieu de l'ardente foule, que ton vaillant baron déroule sa bannière aux riches couleurs, et que sa voix jette aux nuages, aux torrents, aux ravins sauvages, le cri de ses aïeux vainqueurs. Puis, quand luira l'étoile matinale, et que le chant du coq, aigre héros du jour, aura replongé l'ombre en la tombe fatale, que l'aube blanchira le donjon de la tour, que l'écho du vallon murmure, tout passe, tout dans la nature subit la loi du temps moqueur. La vie est un rapide rêve, drame bigarré qui s'achève dans l'inconnu séjour d'éternelle splendeur.